me v'là en mauvaise posture, ma radio ne marche plus. Je pars donc à l'aventure pour régler le malentendu. Aucun des réparateurs ne peut réparer l'objet. Selon un, c'est le moteur, d'après l'autre, c'est le tire-bouquet. Ils ne font plus le modèle, obsolète depuis 40 ans. Décidé, je me mets en selle, j'achète un petit écran. Installé dans mon salon, je ne cesse de contempler ma première télévision, en couleur s'il vous plaît. Tant d'images à la seconde, des programmes à l'appel, l'ouverture sur le monde d'un petit coup de manivelle. J'ai enfin une télé, je me suis mis à la page, je peux enfin regarder les nouvelles, les reportages. Quand vient le journal de 20h, je mets des images sur le son. Je vois le sang et l'horreur, Ranmaré, exécution. Tous les films du dimanche soir ont au moins 20 explosions. Du sang et des coups de poignard, Freddy, Halloween, Jason. Je commence à me demander si j'ai eu une bonne idée. Je cherche un peu de beauté, je zappe sans rien trouver. Le jour pointe à l'horizon, je n'ai toujours pas bougé. Devant ma télévision, je suis comme hypnotisé. Les images ont un pouvoir et se collent à mon esprit. Je file quand même au plumard, je suis vide et je vous le dis. Je passe la journée entière à dormir d'un seul œil. Je vois les guerres, les misères, les tueurs et les cercueils. Invité, je dois sortir, je fais à peine quelques pas. La peur vient de m'envahir, il fait noir loin de chez moi. Je repense au hockeyeur qui massacre les habitants. Caché près de chez mon coiffeur, j'en suis sûr, oui, il m'attend. La silhouette sur le trottoir me rappelle celle d'un voyou, vu à la télé hier soir, celui qui tranche les coups. Rebroussant chemin, je cours, referme la porte chez moi. Je m'enferme à double tour, je me glisse sous mon sofa. Le silence se répand, sous la porte un trait de lumière. On s'avance lentement, une silhouette est là derrière. Une clé se fait entendre, mon voisin rentre chez lui. Cette histoire me fait comprendre que je plongeais dans la folie. Me ressaisissant enfin, je rallume la lumière. Je m'empare d'un gourdin, ma télé va prendre cher. Quelques minutes plus tard, je dépose sur le trottoir le cadavre de ma télé. Bon vent, elle me fout la paix. J'ai racheté une radio, j'ai quand même mes nouvelles. Mais il me reste dans mon cerveau des images, des séquelles. Vous qui avez la télé, repensez à cette histoire, qu'elle soit ou non inventée, c'est de la grosse merde en barre. Mieux vaut une discussion ou une toute petite chanson, un petit dîner entre amis plutôt que cette saloperie. C'est un truc à rendre dingue, à vous foutre les miquettes, à sortir tous vos flingues ou à devenir tapette.